Monsieur Vizorek. Mme Gaillet, bonjour. Bonjour, on profite de l'absence de certaines pour prendre la place. Écoutez, Charline m'a dit une chose. Si le passage d'antenne avec Laetitia Gaillet est réussi, le reste, ça roule. Petit menteur, elle m'a dit d'autres choses. Allez, courage. Merci à vous. Écoutez ce qui s'est passé ce matin. J'ai commencé à asseoir mon autorité. Salut les amis. Salut Alex. Alors comme vous le savez, c'est toi le patron. Comment vous saviez que j'allais dire ça? Parce que t'es trop content de prendre la place de Charline. Oh, ouais. Excusez-moi, mais le capitaine du bateau disparaît et je me sacrifie. Non mais pour qui il se prend? Si sur le Costa Concordia il y avait eu un type comme moi, ça se serait passé autrement. Bon, on y va ou bien? Attends, je vais d'abord faire un briefing aux équipes. Mais il y en a qu'une d'équipe. C'est un terme technique, c'est du management, c'est un truc de patron, laisse tomber. Chers tous, j'ai de grandes ambitions pour cette semaine. Je voudrais œuvrer à changer le monde. Et voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on n'y arrive pas depuis le début de l'émission. C'est parce que vous n'en avez pas envie de changer le monde. Mais si, on a envie. Bien sûr, ça va. Je vois pas en quoi on changeait pas le monde avec Charline. Charline a pris l'émission en main en septembre. Est-ce qu'il a changé le monde? Il a empiré. Il a empiré le monde. Mais c'est pas de la faute de Charline. Ça c'est toi qui le dis. Mais en tout cas, à partir d'aujourd'hui, c'est ma responsabilité. On va le changer, le monde. Mais excuse-moi, Alex, je vois pas le concept. La changer le monde, c'est ça. Toi, ton problème, c'est pas que tu veux pas changer le monde. Tu ne vois pas le concept. Mais non, mais on fait une émission de 17 à 18, si déjà on peut divertir les gens. Le rire facile, mais comme non, ça, mais... et on laisse les autres changer le monde, l'ambition du bonhomme. Non, mais c'est vrai que pour changer le monde, il faut avancer à un moment donné. Voilà, il faut avancer. Très bien, Guillaume, s'il m'arrive quelque chose, je veux que ce soit toi qui prenne la barre de cette émission. Merci. Bon, alors maintenant, c'est moi qui dois présenter. Qu'est-ce qu'elle fait, Charline, à cette heure-ci? Elle lit toute la presse. Toute la presse, ok. Ouais. Elle travaille sur la doc de l'invité. Ok, la doc. Okay. Elle rédige les lancements et elle choisit les sons. Ok, ok. Bon, je retire ce que j'ai dit. On n'aura pas le temps de changer le monde aujourd'hui. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on n'a qu'à juste rigoler. Je m'en occuperai demain du monde. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, ne riez pas Manoukian, soutenez-moi et laissez-moi vous dire que cette semaine ça va filer droit. On va prendre l'information, on va la put it on the water, on va la wash it. Et voici les trois informations qu'on va rinse jusqu'à 18h. La tentation du FN est-elle si grande que ça? Pour l'électeur UMP, entre la peste rouge et le choléra bleu marine, son cœur balance, mais rassurez-vous... On dit que je suis raciste, mon chien est noir, alors... L'après Charlie et maintenant l'après Copenhague nous angoisse. Deux méthodes pour évacuer: le partage, SOS Amitié croule sous les coups de fil, ou le rire, comme à Alost en Belgique, où un char du carnaval représentait des djihadistes avec des fausses barbes et des kalachnikovs en jouet. Ces deux méthodes sont peut-être même complémentaires. Allô, SOS Détresse Amitié, bonjour. Bonjour, Osama Ben Laden, chef du chantier à New York. À une semaine des Césars, le JDD a posé une bonne question. Mais que font les vainqueurs avec leur prix? Bon, cela dit, avant, il faut encore le gagner, et encore après, il faut faire le discours. Je remercie Sotberry, comme tout le monde. Et pour faire avancer le monde, quoi de mieux qu'une équipe d'aventuriers? À 17h20, notre Christophe Colomb. Car quand il démarre, il pense arriver quelque part, sauf qu'au final, en général, il se retrouve ailleurs, sur un continent philosophique dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Bonjour André Manoukian. Mais c'est dingue, c'est complètement ça, Alex. Je sais. J'adore. Je commence comme à vous connaître. De quoi on parle? Alors là, on va partir au 8e siècle avant Jésus-Christ. Non, voilà, on va parler de l'album de jazz d'un merveilleux contrebassiste qui s'appelle Avishai Cohen, et on parlera d'une collusion entre la musique arabo-andalouse, la salsa et la salsa new-yorkaise. Et le duende. Voilà, votre sens du résumé n'a pas changé. J'ai déjà rien compris au lancement. C'est le Magellan de cette émission, car lorsqu'il se lance sur un sujet, il en fait le tour, au risque parfois, comme l'autre, de se retrouver au point de départ. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex. Sur quoi l'enquêter? Alors moi, je me suis intéressé à la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024. Je suis allé interroger des joggeurs. Après quoi vous courez? Après le bonheur. Putain, c'est beau. On dirait du Barbelivien en jogging. Et à 17h40, celle qui a sans doute inspiré Neil Armstrong, car pour elle, moi aussi, j'irai décrocher la lune. Bonjour Clara Dupont-Moneau, c'est que je suis le patron cette semaine. Oui, mais l'autorité, ça se défie, cher voilà, Alex. C'est parti. Alors, après les attentats de Copenhague, eh bien, halte à l'adjectif moyenâgeux. Très bien, intervenez-vous dans cette émission. Tout ce que vous n'osez pas dire au téléphone sonne, dites-le au téléphone, déconne. 01 56 40 69 51. Et je vous le dis, on ne prend que les meilleurs. C'est pour ça que parfois, il n'y a pas de répondeur. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, hashtag annule tout. Et sur Facebook, on est bientôt 11 000. Et chaque jour, dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence. Un référent de la République qui, en l'occurrence aujourd'hui, est une référente du Royaume. Vous avez tout annulé pour venir parler avec nous. Vous êtes né sous Baudouin Ier, en Belgique. Belgique. Oui. Vous entrez à l'académie de Braine-l'Alleud en 93. Oui. L'année où ce même Baudouin Ier décède. Vous créez votre premier spectacle en 99. Dis oui. L'année où Rosetta des Frères d'Ardenne devient Palme d'Or. Vous devenez un visage familier du PAF chez Laurent Ruquier. En 2007, c'est l'année où Nicolas et Cécilia divorcent. Mais là, a priori, il n'y a pas de lien. Vous êtes... pas de ma faute. Virginie Hoc. C'est bravo. Bien joué. Sur France Inter, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Je suis très inquiet, Virginie Hoc, parce que vous êtes une auditrice de l'émission. Oh, je suis tellement contente de vous voir en vrai, je vous jure. Mais je regardais, j'ai rien compris non plus à Manouki, on jamais bien. Clara, si contente, Guillaume, et vous. Mais vraiment, bah écoutez, mais vraiment. Charline vous demande de l'excuser parce qu'elle aurait vraiment mais aimé entendu, être là avec vous. J'ai entendu vendredi qu'elle, qu'elle écoutait. Elle vous a dit qu'elle écouterait. J'ai un truc dont je suis sûr, c'est qu'elle écoute. Et c'est pas le vrai Manouki, hein, c'est le mec du lundi, il remplace Manouki. Pourtant, j'ai touché, ça avait l'air. Charline, elle nous écoute. Oui. Je voulais faire passer un message. Vite fait. Charline, ça fait pas pareil d'être assis à côté d'Alex. Votre main, vous pouvez l'enlever. Donc, Virginie Hoc, vous êtes venue pour Sur le fil, votre nouveau one-man show que vous jouez au Théâtre de Paris du mardi au samedi et même le dimanche en matinée. Oui. Bourré craqué, je ne sais même pas pourquoi vous venez. Moi, j'ai moins mis sur un strapontin. Mais parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Et donc, oui, mais voilà. Donc ça cartonne, ça se passe très bien. Spectacle mis en scène par Isabelle Nanty. Oui, c'est exact. Tout est vrai. Là. Tout est vrai, oui. Tout est vrai. Donc, vous êtes contente de retrouver les planches parisiennes. Vous avez été un petit peu testée en Belgique, je le sais, oui, notamment. Oui. Et là, il est prêt, là, c'est taquet, il et est Et là, tout chaud. Je suis venue ici dans une capitale où il y a 1400 spectacles, 3 horaires par soir. Je me suis dit, ok, j'y vais. J'ai pris une petite salle, 300. Et je touche du bois pour que ça fonctionne jusqu'à... Pouh, on ne sait pas. Moi, je vais vous dire pourquoi je pense que les gens, ils ont envie d'aller voir Virginie Hoc. C'est parce que vous avez, je pense, le capital sympathie des humoristes féminines le plus grand de tous. C'est-à-dire que vous pouvez dire n'importe quoi et ça marche. Parce que le premier rire de votre spectacle, c'est... sur le mot bit. Non, mais ça c'est vrai. Alors, plaît, ça. Non, mais voilà. Je veux dire le contexte. Mais je ne dis pas le mot bit pour dire le mot bit. Mais je sais bien, voilà. Et c'est bien pour ça que vous vendez. Vous arrivez à tout vendre. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Oui, c'est vrai. Je crois que j'arrive à ne pas dépasser la limite de la vulgarité et que je fais les choses avec. Je crois que je suis bon enfant. Et le premier mot, c'est bit, mais c'est un danseur qui s'appelle Prot Molyakov, qui est danseur étoile russe qui et qui a un petit problème avec votre, première partie. C'est ma première partie, oui. Voilà. Je n'ai pas choisi un groupe de rap, j'ai pris un danseur russe. C'est ça. Et donc, le principe, c'est que vous déroulez le fil de votre vie en disant qu'en fait, vous aimez aussi de temps en temps aller dans la vie des autres. Ben, c'est l'avantage du comédien, c'est de pouvoir tester d'autres vies que la sienne. Peut-être pour ne pas affronter la sienne vraiment, peut-être. Attention, là, qu'est-ce ça qu'il va a la respiration anale. La respiration anale. Lui, c'est avec sa bouche, mais pas tout de suite, pas tout de suite. Et alors, il y a un personnage qui m'a parlé, c'est le mannequin pour paquet de cigarettes. Viviane Morlaix, oui, vous l'avez aimé? Oui, j'ai beaucoup aimé, parce qu'on peut expliquer un petit peu sa vie à cette, oui, à cette dame. Oui, c'est une femme qui était institutrice maternelle, et comme elle a beaucoup fumé et que les enfants avaient peur puis à cause de sa voix, parce qu'elle parle comme ça, elle a un gros problème. Oui, mais tout va bien. Hein, tout va bien. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un truc dans le micro? Non, pas du tout, c'est ma voix. Elle parle comme ça. Ou comme ça. Mais non, mais elle est heureuse, alors oui. C'est parce que quand elle raconte un conte, il était une fois un jour mon prince viendra. C'est vachement dur ce qu'elle fait. Elle fait le rétro-souffle, oui. C'est-à-dire que j'ai appris à respirer à l'envers. Exactement. C'est chouette. Mais ouais. Et ben voilà. Et ce personnage, l'aime. Pourtant, elle a une ablation du poumon. C'est vraiment trash puisqu'elle est mannequin. C'est les vilains poumons et on l'aime bien. C'est un spectacle bon enfant. Hein, faut oui. Le rappeler. Et les gens rigolent. Et alors surtout ils rigolent et longtemps. Parce que non, mais c'est parce que ça devient rare les spectacles qui dépassent une heure et demie à Paris. Ah, il a fait plus d'une heure et demie mon spectacle. Ah bah, écoutez, je l'ai lu dans une critique du Figaro qui faisait presque deux heures votre spectacle. Alors peut-être vous avez enlevé deux trois morceaux. Vous ne vous en rendez pas compte et non, le public non plus. Compte. Mais donc ça vous plaît de jouer longtemps, vous aimez ça? Ben je sais pas, c'est surtout que j'ai la chance de ne pas avoir un autre spectacle juste après pour déplier mon décor. Puis elle n'était pas au courant surtout, c'est plus facile de faire long. Deux heures, non, j'ai fait quand même attention. Non, parce mais que je ne dis pas ça pour dire aux gens. 50 minutes à un moment donné, on pique du nez, c'est comme à l'école. Donc j'essaie de faire, je fais 10 minutes seulement de spectacle. Non mais les je dis bite et puis je parle. Et puis c'est fini. Non parce que vous dites bite une fois, mais après tout est réglé, c'est-à-dire. Oh j'ai quand même un petit sketch de partout. Vous dites que je pouvais que je vous mime la partouze. Non, mais non. Mais vous dites que votre humour est bon enfant, mais c'est un choix d'éviter la méchanceté. Pas du tout, puisque c'est des personnages très très cyniques, mais c'est la manière d'amener les choses qui font que ça passe et que ça donne l'impression de glisser. Mais je suis acerbe par moment, mais je pense que c'est la manière d'amener les situations où je peux aller très loin, c'est vrai, sans qu'on me dise oh mon Dieu, il va. Mais le mannequin qui a quand même un problème du poumon, on se dit oh mais en fait. Elle est chouette, cette femme. Lorsqu'elle dit, est quand même trash. Et elle est chanteuse, mais ça, on n'en saura pas plus si on ne va pas voir Virginie Hoc. Et là, nous allons écouter les Rolling Stones. Et voilà, c'est un petit message à Charline. Miss You. Ah oh ouais, Charline. C'était The Rolling Stones sur France Inter. C'est pas mal, hein, André, ça. C'est pas mal. Ça marchera jamais. Bon, voilà, une spécialiste en musique. En fait, vous savez qu'ils étaient influencés par Muddy Waters. Les Rolling Stones aussi voulaient être noirs. Mais finalement, c'est les rockers les plus soul qui soient. Il ne vous avait pas échappé que je ne vous lançais pas sur une chronique sur les Rolling Stones. C'est important de le préciser. Gilles Deleuze a écrit quelque chose d'intéressant là-dessus. Sur les Rolling Stones, évidemment. Oui. Et nous sommes surtout avec Virginie Hoc, qui en ce moment joue son spectacle Sur le fil au Théâtre de Paris, du mardi au dimanche. Ainsi qu'autour de la table, mais on les a un peu entendus. Eh oui, on a autour de la table Clara Dupont-Monod de Presque l'Académie Française, André Manoukian de Presque The Voice et Alex Vizorek de Presque la Comédie Française. Et Guillaume Meurice de Presque la CGT. Exactement, et c'est avec lui que nous allons faire une petite revue de presse en tandem. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Voilà, et on commence avec l'affaire Jean-Luc Lahaye. On avait eu un petit problème technique la dernière fois qui nous a empêché de lancer Bonne Chanson parce qu'on le soutient. Voilà, tant que ça n'a pas été jugé, on le soutient. Et on va donc cette fois passer une chanson à lui. Moi, je m'appelle Non, il y a un problème. C'est pas possible. C'est pas bien ce que vous faites, en régie. C'est pas bien de se moquer de la peine des gens. Bon. C'est pas grave. Tant pis, on commence cette revue de presse avec un tweet de Christian Estrosi. Oui, il est daté d'hier, il parle de la lutte contre le djihad. Je le cite, « À Nice, j'ai décidé de loger des militaires, de rajouter des caméras, d'expulser les épiceries de nuit. » D'expulser les épiceries de nuit. Ah oui. Et pourquoi ? Ah bah on voit que vous avez jamais fait le djihad, Alex, hein. Parce que c'est quand même fatigant, la guerre sainte, ça creuse. Et il peut arriver que sur le coup des 2-3 heures du mat, eh bah, le djihadiste, il est une petite fringale. Ah, oui. Et là, qu'est-ce qu'il fait, le djihadiste? Eh bah, il descend à l'épicerie acheter des palmitos et bim! Eh bah, allez, fermez l'épicerie. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait, le djihadiste? Eh bah, il abandonne le djihad et puis il se lance dans la fabrication de rillettes pur porc pour s'assimiler. Et là, on dit quoi? On dit bien joué, Christian. Et vous êtes sûr de cette version? C'est pas parce que les épiciers de nuit seraient arabes. Mais n'ayez pas l'esprit mal tourné, ah, Alex. Si c'était pour ça, Estrosi, il aurait interdit le couscous, les babouches et les albums de Faudel. Ah, cette dernière proposition, ça donne une voix pour lui, ça. Oui, ouais, ça se défend, ça se défend. Alors, on enchaîne avec une bien triste nouvelle, le décès de Michele Ferrero, l'inventeur du Nutella. Oui, ouais, ouais, on a une pensée émue pour tous ceux qui l'aimaient beaucoup. J'ai nommé les gros, qui doivent en avoir gros sur la patoite. La patate, c'est pas la patoite, ça n'a rien à voir. Ils doivent avoir un poids sur le cœur, ils n'avaient pas besoin mais de non, ça, Guillaume, arrêtez de casser du sucre sur leur dos. Oui, c'est vrai, c'est capable de le ramasser pour le bouffer. Bon, Guillaume, soyez un peu gentil. Oui, pardon. Ah, attendez, on me signale en régie qu'on a recalé la chanson hommage à Jean-Luc Lahaye. Allez, on y va. Allez, Jean-Luc, on est avec toi. Je l'ai pas touché. C'est pas possible. C'est pas la bonne. Vraiment, ils ont des moufles, hein, en régie. C'est pas la bonne. Coupez, c'est pas la bonne. C'est moche, hein, vous respectez rien, les gars. Non, c'est vrai qu'ils respectent rien. Rien qu'à voir leur tronche, on voit bien qu'ils se respectent même pas eux-mêmes en régie. Petit hommage à toute l'équipe qu'on remercie. On poursuit avec le cyclisme espagnol. Contador a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière en 2016. Oui, immédiatement, la bourse de Madrid a complètement dévissé. Toute l'industrie pharmaceutique est entrée en récession. Les fabricants de seringues ont annoncé des plans de licenciement drastiques. Terrible, terrible. Il a prévu une reconversion, j'imagine. Oui, il va désormais faire du Grand Prix moto. Ah, pourquoi il va faire de la moto? Non, il va faire du vélo, mais dans un Grand Prix moto. Ah, et il a des chances de gagner. C'est vrai. Bon, on va terminer, parce que là, je crois que c'est réglé maintenant. Oui. Par l'hommage à Jean-Luc Lahaye. Oui. Cette fois, pour ne pas prendre de risques en régie, hein, ils ont pris. C'est sûr, c'est une chanson de Jean-Luc, cette fois. On y va. Je sais même pas comment l'histoire finit. C'est Jean-Luc. C'est Jean-Luc. C'est un défi que tu lances à ma vie. Ça, si, c'est pas lui-même. Quand ça veut pas. Ça veut pas. Voilà, on va y arriver à rendre cet hommage à Jean-Luc, qui est un bon chanteur, hein, André. Voilà. C'est marrant. Les mots me manquent. À lui aussi. Alors, premier sujet, parce qu'on est là pour changer le monde, Virginie Hoc, ça vous aura pas échappé. Vous allez quand même changer le monde. Oui, et avec vous. Et ça, vous aviez peut-être pas prévu ce matin, Aurélien. Non. Dans Le Parisien, aujourd'hui en France, on découvre un grand sondage sur l'affection potentielle des électeurs de droite à l'extrême droite. Le FN pourrait donc peser sur les prochaines élections départementales. Et c'est peut-être un bien. Enfin, en tout cas pour la culture, comme nous le rappelle le cinquième échevin au maire d'Ayange. Nous avons décidé de la peindre en bleu clair comme toutes les fontaines. Il y a eu 30 euros de peinture, mais c'est comme pour M. Serge Gainsbourg quand il a brûlé son billet de 500 francs, qu'il a eu 5 millions de publicité. Mais si on décide de repeindre la Joconde, hein, une œuvre nationale qui est dans un musée, vous savez bien que ce n'est pas réaliste, madame. Mais c'est une vraie œuvre d'art, la Joconde. Pour vous, ce n'est pas une œuvre d'art. Mais non, madame, c'est une fontaine publique. Ah oui. Voilà, ouais. C'était vraiment le cinquième adjoint au maire d'Ayange. Alors, dans 5 semaines, ce seront les élections départementales qui, je le sais, vous passionnent, Virginie. J'en reste quoi ? Voilà. Et donc, on se reposera la question, mais quel parti choisir pour un électeur de l'UMP, pour un second tour PSFN, parce que c'est très possible. 37% dit le FN, 36% l'abstention et 27% le PS. Qu'est-ce que ça vous inspire ? J'imagine que, enfin, je ne sais pas, vous ne votez pas en France, votre regard extérieur. Mon regard extérieur, parce que je suis très très contente, pour le coup, de faire des spectacles où on ne parle pas trop de politique. Parce que je n'en peux plus. De la politique politicienne ou du fait que vous êtes déçue par les gens qui sont censés nous représenter, nous tirer vers le haut? C'est un petit peu tout ça. Je n'ai pas du tout envie de me méfier de mon voisin. Donc je me dis, mon Dieu, est-ce que cette personne va voter pour un tel ou j'ai très peur, je me méfie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous intéressez quand même à la politique française un tout petit peu? J'ai déjà du mal avec la politique belge. C'est ce qu'on avait compris. Oui. Ça, il y en a pas, hein. Alors c'est pas vrai, figurez-vous qu'en Belgique, du côté francophone, l'extrême droite n'est pas présente sur l'échiquier politique, ou très très très peu, parce qu'elle n'est pas invitée en radio et en télévision. Alors les gens ne l'entendent pas, alors elle ne se forme pas, et donc on ne vote pas pour elle. C'est pas le cas du côté néerlandophone. Est-ce que nous, Belges, on aurait des leçons éventuelles à donner aux Français? Quand je dis leçon, c'est entre guillemets. Ah bah là, une sacrée leçon, ouais. Parce que nous, la Belgique est quand même un des très rares pays à avoir tenu plutôt bien sans gouvernement. Oui, ben c'était un gouvernement, il y en avait quand même un de gouvernement. Hein. D'ici, on a l'impression qu'il n'y avait rien du tout, mais... Il y avait un gouvernement en affaires courantes chez nous, c'est-à-dire que c'est le précédent gouvernement qui continue à gérer pendant que le suivant se formait. Ah, mais nous aussi, on a ça en ce moment. Ah non. Ah non. Ah d'accord. Mais depuis l'accession... Pourquoi trouvez ça formidable? Parce qu'on s'est tellement moqué de nous, puisqu'on n'avait pas de gouvernement. Bah non, en fait, ça a plutôt bien fonctionné, du coup. Oui, c'est vrai, mais pourtant, ça avait l'air d'être complètement dingue. Ah ouais, ça veut peut-être dire que le peuple belge est un peuple très autonome, ou ça veut peut-être dire d'autres choses que la responsabilité qui incomberait aux médias, peut-être de la montée ou pas du FN. En tout cas, nous, on a grandi avec ce qu'ils appellent le cordon sanitaire, et je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Alors, en tout cas, les chiffres de deux études sont amusants. 68% des Français disent avoir une mauvaise image du FN, là où 36% se disent prêts à voter pour le FN à une élection locale. Donc, il y a 4% de gens qui se disent prêts à voter pour un parti, donc ils sont persuadés qu'il a une mauvaise image. C'est quand même amusant. Et alors, ce qui est assez rigolo au final, c'est que, ok pour le local, là il y a 36% des Français, et même 42% des électeurs de droite, tandis que pour le national, là ils sont beaucoup beaucoup moins à se dire capables de voter pour le Front National. Clara Dupont-Monod. Depuis l'accession de Marine Le Pen à la présidence du FN, le niveau d'adhésion aux idées du FN n'a pas cessé d'augmenter. Virginie Hoc, est-ce que Marine Le Pen, elle vous inspire en tant qu'humoriste? Du moins un personnage. Ça pourrait être un personnage. Ah oui. Bah oui. Je vous avoue que la politique est quand même un sujet un peu délicat. J'aimerais faire un personnage qui ne bite rien, excusez-moi, puisque c'est le premier mot de mon spectacle et que ça fait beaucoup rire. De faire un personnage, une caricature comme ça, me plairait beaucoup. Et je pense que j'y arriverai. Et parce que vous allez chercher des failles dans vos personnages. Si vous deviez faire Marine Le Pen, elle doit en avoir des failles derrière son... Elle aurait la même voix que les autres personnages. Hein. Peut-être dans quelques années. André Manoukian, c'est à vous, puisqu'on parle de failles. Eh bien, vous savez quoi, on va rester dans la politique. Écoutez ce contrebassiste. Il doit un petit peu sa carrière à quelque chose qui s'est passé en 1989, la chute du mur de Berlin. Cette chute du mur eut une conséquence inattendue sur la musique. Les profs de piano russe SMR dans tout le Moyen-Orient. Alors c'est quoi les profs de piano russe? C'est une école très spéciale du piano. Il y a quatre piliers dans l'école du piano russe. Le premier, c'est les exercices techniques. Il n'y en a pas 40, parce que sinon on c'est a les exercices techniques pour le poignet. Le deuxième, c'est Bach pour l'indépendance des doigts, sachant que quand un gamin commence à 5 ans, il a ses 4 piliers, vu que Bach a écrit des morceaux pour ses enfants. Le troisième exercice, c'est les classiques de Vienne, Mozart, Beethoven et Haydn. Mozart a écrit lui-même quand il était enfant, donc il y a des pièces qui se prennent enfantines. Et le quatrième, c'est les romantiques, Liszt, Chopin et tout ça. Donc, une fois que vous avez travaillé ces 4 ces quatre piliers depuis que vous êtes gamin, vous avez une technique de malade mental. Voilà que tous les profs de piano russe SM dans le Moyen-Orient, certains sont d'origine juive donc s'installent en Israël, d'autres vont en Syrie, d'autres vont en Égypte, et ça va donner le résultat qu'aujourd'hui il y a toute une génération de musiciens qui ont entre 30 et 40 ans qui ont assimilé la musique classique, qui ont donc assimilé le jazz et qui rajoutent des ingrédients de leur propre pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le jazz est en train de se régénérer de ce côté-là. Si on doit lire dans l'avenir musical, on est plutôt confiant de ce qui se passe. Sauf que comme en musique, on a un tout petit peu d'avance. Voilà, c'est ce qui fait que moi, je suis un éternel optimiste. Encore une fois, j'étais avec Chucho Valdés, pianiste cubain, dans un concours de jazz à Montreux. Et on a primé un jeune pianiste qui venait d'Azerbaïdjan parce que ses couleurs orientales, c'était la première fois qu'on les entendait. Une musique est vivante quand elle intègre des nouveaux apports. À partir du moment où elle commence à devenir une musique classique, on ne sait pas qu'elle est une musique morte, mais c'est que c'est une musique qui se sert de ses propres références. Aux États-Unis, la tendance est plutôt à aller récupérer ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans et à revisiter l'histoire. Les Afro-Américains disent le jazz est la musique classique des Afro-Américains du XXe siècle. Alors, Avishai Cohen, un jour, il est dans un kibbutz, il étudie le piano. Donc il a déjà cette technique-là, seulement voilà, il écoute un bassiste qui s'appelle Jaco Pastorius. Et c'est la première fois qu'il entend ça. Les bassistes, normalement, ils font doum, doum, doum, doum, doum. Et celui-ci, Il a la doum. Il fait doum doum doum comme. Non, il fait doum doum beaucoup plus vite que ça. Et surtout, il a un son incroyable. Là, il est en train de jouer Donali. Il a ce qu'on appelle une fretless, c'est-à-dire c'est de sa guitare basse, il va enlever les frettes, et ce qui fait qu'il va avoir un son comme ça avec un sustain incroyable qui va se rapprocher de la contrebasse. Avishai décide à ce moment-là qu'il sera contrebassiste. Et le voilà parti à New York. Alors à New York, il va faire un petit peu tous les métiers, et c'est à New York qu'est née la salsa. La salsa, c'est une musique sud-américaine, mais c'est à New York qu'elle naît, avec tous les émigrants sud-américains. C'est un mélange de rythmes brésiliens, portoricains, cubains, caribéens, un mélange goûteux, un ragoût, salsa, ça veut dire sauce en espagnol. Vous la dansez, André ? Ouais, vachement bien, venez. Venez, vous allez voir après l'émission. Alors, cette collusion orientalo-hispanique, en fait, n'est pas née à New York, elle vient de bien plus loin. Je vous raconte à chaque fois l'histoire de Ziryab, ce petit musicien kurde au 8e siècle qui part de Bagdad et qui va... 14e fois. Exactement, jusqu'à Cordoue. Mais tout ça, ça va donner la musique arabo-andalouse. Vous me suivez, Virginie, jusque-là? Je bois vos paroles. Donc voilà, donc on est à New York, il y a une musique latine qui se passe, mais cette musique latine, elle existe depuis en gros le 8e siècle. On est parti des pianos russes. Hein. On est parti des pianos russes, donc vous imaginez que... Je suis en plein décalage horaire. Avishai Cohen, qui a commencé avec le piano, qui se met à la contrebasse, tout d'un coup, il a une fusion de toute la musique qui soit. C'est à New York qu'il va trouver son son légèrement oriental, mais en même temps, légèrement salsero, et avec lequel il va faire une fusion incroyable. Et à partir du moment où on a un son, on existe. Chick Corea va l'appeler et ça va être le début de sa carrière. On l'écoute dans son dernier album qui nous reprend un morceau de Charlie Chaplin, un autre émigré. Virginie, vous avez entendu comment Avishai il fait chanter sa grand-mère. J'aime Avishai. Sa grand-mère, c'est la contrebasse en fait. Hein. C'est vrai. Elle parle. Elle parle exactement, c'est ça. Hein. Mais j'ai juste un petit truc que j'ai pas bien compris, c'est avec Charlie Chaplin. Oui. À la fin. C'est un hommage qui rend... Alors ça, c'est une grosse tradition dans le monde du jazz aussi, c'est qu'on reprend un standard que les gens connaissent un petit peu. D'accord. Là, je me suis dit, comme je suis entouré de lumière dans le monde de la musique, j'essaie de... Lâchez mon petit doigt, pardon. Qu'est-ce que vous faites à mon petit doigt? Il a le petit doigt. Et en même temps, c'est aussi ce thème voilà, qui est un petit peu sensible et tout, et où il peut exprimer tout son vibrato. Vous savez qu'on est à l'antenne. Son album, ah bon? Oui, c'est... Ah, j'ai l'impression que c'est un rendez-vous... Lâchez sa cuisse maintenant. Et son album s'appelle From Darkness. Mais il y a un truc en musique, c'est que quand on exprime son côté sombre parfois, et ben on c'est un peu comme le théâtre, non, André. On peut amener de la lumière, exactement, Virginie. Je vous adore. Hein, c'est moi aussi. Arrêtez, c'est terriblement excitant. Vous parlez, ne parlez plus, Guillaume Meurice. Ça ne m'étonne pas que vous aimiez Charlie Chaplin, parce que vous avez aussi une façon quand même d'utiliser énormément votre corps, et André, ne transpirez pas de la moustache, en tant que comédienne, parce que tous les humoristes ne sont pas comme ça, il y a beaucoup d'humoristes qui sont dans le langage uniquement, et vous êtes un peu multifacette. C'est un outil formidable que le corps, et je suis contente d'avoir appris le mime, la danse classique, tout ça. Non, j'aime bouger, je veux continuer à bouger, j'aime le burlesque. Charlie Chaplin, je m'y retrouve tellement, j'aurais adoré travailler avec James Tirey aussi. Oh. Oh, je touche du bois. Quand on veut, c'est on pas peut. Qui c'est Manu Kiancier. C'est les glaces. C'est le petit-fils de Charlie Chaplin. Bon, si vous voulez aller voir bouger Virginie Hoc, c'est donc au théâtre de Alors donc moi Paris. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Je bois vos paroles. Vous, je dis un bon, truc. Le petit couple là. Mais, on va régler, on va régler ça après. Je connaissais pas cela. J'ai envie de vous m'initier à la danse, Virginie. Ok. Allez, ça c'est réglé. Et ça vous ennuie qu'on passe à Guillaume Meurice? Parce que c'est quand même un peu le grand l'émission. S'il y en a un qui essaye de changer le monde, c'est quand même lui. Bon, pour l'instant, c'est l'échec. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Ça avance. On est sur quel dossier aujourd'hui, Guillaume? Alors, moi, je vais commencer d'abord par une petite devinette. Avez-vous déjà vu des panneaux publicitaires qui transpirent? Non. Alors, vous n'avez jamais regardé de sport à la télé? Moi, oui, puisqu'en matière d'effort physique, je suis croyant, mais absolument pas pratiquant. Mon corps en est témoin. Je me suis donc rendu hier au parc des Buttes-Chaumont à Paris. C'est la Mecque du jogger. Hein. Chaque dimanche a lieu un pèlerinage. Des centaines de fidèles se réunissent en collant lycra moulant, poutre apparente pour les garçons, ballottage favorable pour les filles. C'est très impressionnant. Ces sportifs parisiens avaient forcément un avis sur la possible organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Par exemple, cette joggeuse y est-elle favorable? Plutôt favorable. Combien vous seriez prêt à mettre, vous, personnellement? 1000 euros ou... C'est une joggeuse, ça, oui, d'accord, ça me paraît pas mal. Cette quasiment femme a une voix pour d'homme. Voir des types lancer un javelot, c'est bien. Oui, je suis prêt. D'ailleurs, je vous ai même donné un montant plus que... honorable. Alors, ça n'était donc pas une joggeuse. On s'en est rendu tout. Compte. Est-ce que vous êtes décalé? Je ne sais pas. On va voir. On a la surprise pour le prochain son. En tout cas, celui-là, il était prêt à mettre 1200 euros. Si on met 1200 euros par parisien, là, on va pouvoir faire quelque chose. Hein. On va pouvoir remplacer le bac à sable du saut en longueur par un bac à caviar. Et les massages seront assurés par Beyoncé, Brad Pitt ou Clara Dupont-Mono, hein, par exemple. Là, ça aurait de la gueule. Alors, voyons voir. J'ai un petit peu peur pour le prochain son. Est-ce que c'est un joggeur, une joggeuse? On y va. On va voir. Non. Pourquoi? Parce que ça coûte trop cher. Et puis, avoir un troisième refus, ça la fout très mal. Ah, vous avez peur de l'échec? Oui. Ah, ça, c'est typiquement français, ça. Vous êtes française? Ah oui, à 100%. Mais ça se trouve, on va gagner. Non, ça... On n'a pas les moyens pour ça. Hein. Et puis, on n'a pas la culture des sous-tables. Attendez, on n'a pas la culture des sous-tables en France? Non. À Levallois-Perret, on a un peu la culture des sous-tables. Oui, il paraît. Oui, non, oui. Mais en fait, c'est le même type qui cale les 10 de Jean-Luc Lahaye qui cale. Ah, voilà. Tout s'explique. Je tenais à vous le dire. Tout s'explique. Donc là, voilà, on a retrouvé notre joggeuse qui part perdante. Il ne faut pas partir perdant comme ça. Si c'est une question de dessous de table, il y a plein de villes où on peut organiser les JO en France. Hein. Levallois 2024, Corbeil-Essonne 2024, Chantilly 2024. Hein, s'il faut, on demandera à Bernard Tapie d'organiser et à l'UMP d'organiser les tirages au sort. Ah, attendez, on se défend, nous, on magouille. Alors, voyons voir un autre joggeur. Par rapport aux impôts, je ne sais pas, moi, comment je pourrais mettre quoi, 100 euros. 100 euros pour voir les JO à Paris, ouais, pourquoi pas, ouais. Non. 100 euros, ça organise quoi, la compétition de lancer de marteau, c'est tout? Ça, je ne connais rien du tout, j'ai juste vu un peu le budget, c'est super cher, mais après, moi, je vous dis... Ouais, alors là, avec 100 euros, là, ça sera moins la fête. On baisse en gamme, Beyoncé sera remplacée par Roselyne Bachelot, Brad Pitt par Jean-Pierre Raffarin et Clara Dupont-Mono par Michel Houellebecq. Mais l'essentiel sera toujours de participer, à moins que j'avais une question à ce même jogger. Pourquoi le quatrième d'une épreuve, il pleure, il est déçu à chaque fois? Parce qu'il gagne rien, quoi. Il n'est pas médaille, quoi, à la rigueur. Ah bah justement, pourquoi on ne donnerait pas une médaille au quatrième? Après, pourquoi on n'a pas une cinquième, alors? Si on donne une quatrième, pourquoi pas une cinquième, et pourquoi pas une sixième, etc., etc., quoi. Excellente idée. Pourquoi pas, mais après, ça serait quoi l'intérêt de vouloir finir premier, quoi? Bah, je croyais que l'intérêt, c'était de participer. Oui, c'est participer, mais il faut quand même... essayer d'être le plus fort, quoi. Non, bah alors attendez, on m'aurait menti, là. Le bel esprit olympique, où est-il? Dans ton cul, me répondrez-vous en cœur. Et vous aurez raison, hein, les élections truquées dans les comités, les pots de vin aux politiques, les détournements de fonds publics, on l'a tellement profond que ce ne sont plus des anneaux olympiques, mais des anus olympiques. Bon, après, il reste toujours le sport plaisir, le sport amateur, mais... Le fuseau rouge fluo, c'est obligé, ça, ou pas? Bah non, il y a plusieurs variations de couleurs. Il y a en noir, là j'aime bien le rouge, donc moi j'ai pris rouge. Par contre, il faut juste choisir des bonnes chaussures. Donc, c'est pas vraiment la couleur qui importe pour les chaussures si on court. Ouais, c'est pas obligé de se déguiser en gyrophare, quoi. C'est surtout les performances. Après, si vraiment on a vraiment veut pas s'afficher quand on court, bah, c'est sûr que là, c'est un peu plus dur. Ouais, c'est pas facile. C'est vrai que si vous aimez saigner des yeux, allez le dimanche matin au parc des Buttes-Chaumont. Il y a tellement de fluo qu'on se croirait sur un chantier d'autoroute. Il y a tellement de mauvais goût qu'on se croirait dans la garde-robe d'Alex Vizorek. Mais qu'est-ce qui pousse tous ces gens à courir? J'essaye, c'est pas évident, hein, de penser à rien, de laisser le rouleau se vider. De faire le vide dans votre tête, c'est pas évident? Ouais, non, c'est prétentieux, c'est impossible, mais on essaye. Ah, il y en a qui arrivent très bien à faire le vide dans leur tête. Il y en a qui ont le vide dans leur tête à peu près tout le temps. Regardez Benjamin Castaldi, par exemple. Ouais, je lui envie pas grand-chose, mais bon. Pourquoi il sait faire le vide dans sa tête? Quasiment en permanence. Tant mieux pour lui. Oui, tant mieux, c'est pratique, hein, c'est pratique. Tu sais que c'est un vrai exercice de sagesse, vous hein, aurez un droit de réponse. Oui, il est très sage, Benjamin Castaldi dit. Il n'a pas besoin d'être ridicule le dimanche matin, il lui suffit d'être bête toute la semaine, ce qui est un problème plus général, hein, car toujours selon ce même jogger... Je pense qu'on devient bête. Ouais. Les Français, en général, on devient bête? Ouais, ouais. Mais vous, vous êtes Français? Je deviens bête. Ouais, ouais. Attendez, attendez, parce que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous devenez de plus en plus bête, ouais, vous allez arriver à faire le vide dans votre tête assez rapidement, du coup? Moi, je deviens con. Il devient con, un peu comme ceux qui soutiennent la candidature de Paris au JO en 2024. Vous êtes maître sportif, Guillaume? Ah, regardez. Regardez, non, ce, oui, corps, ça, regardez ce corps d'athlète. Ça ferait du bien, une petite course. Ouais, hein. C'est vrai, je suis un peu jaloux. Est-ce qu'on peut vous voir courir dans les parcs parisiens le lundi, seul jour où vous ne jouez pas? Bah, oui, moi, le sport, oui, je cours énormément et j'inviterai Guillaume. Il me suivra. Il sera pas question de lâcher, mon petit gars. Donc, André Manoukian, vous passez à Benjamin Castaldi le message, on l'aime beaucoup ici. Et voilà, il parlait de cet exemple. C'était un exemple, André. Il y en a d'autres. Sujet 2. Non, non, il n'y a pas de par contre. Derrière vous, moi, je veux bien être deuxième. Et je cours en juillet. Il ne courra pas longtemps. De toute façon, à mon avis, Benjamin Castaldi, il n'a pas compris. Sujet 2. Je fais le patron ici. L'actualité hivernale nous angoisse. SOS Amitié croule sous les appels de gens qui veulent parler. Autre exutoire, l'humour. On pastiche des djihadistes. Dans l'un des carnavals les plus populaires de Belgique, un char était consacré à la Syrie. Ça fait aussi du bien d'en rire. J'aurais voulu être djihadiste, avoir ma tête dans les journaux. Si l'avion se pose sur la piste, c'est que j'ai mal fait mon boulot. C'est que j'ai mal fait mon boulot. C'est Daniel Morin, légende de France Inter lors de la soirée Charlie. Virginioc, vous êtes né à Nivelles, ville de l'un des plus grands carnavals de Wallonie. Alost, c'est l'un des plus grands carnavals de Flandre. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux Français l'humour carnavalesque et la drôlerie qui en découle? Parce que donc... Mon Dieu, je suis gênée, je déteste le carnaval. C'est pas vrai, on est foutus. Bah pour moi, tout le monde vomit. Il n'y a que de la bière, on vomit. Les Gilles sont... Attends, je ne peux pas parler des Gilles parce que c'était sacrilège. Vous savez ce que c'est qu'un Gilles? Un Gilles. Non. C'est quelqu'un qui a beaucoup de plumes d'autruche sur la tête comme ça et qui lance, c'est un personnage du carnaval, et qui lance des oranges. Et son costume est rempli de paille, il marche avec des sabots, les couleurs criardes, c'est difficile à expliquer. Je me sens à Dunkerque, il lance des harengs. Voilà. Sur la foule, oui, pour en hommage aux pêcheurs. Mais donc, il y a eu donc, un char à Alost. Mais c'est vrai, ça? Ah, c'est vraiment, oui, ils étaient très rigolos parce qu'ils avaient mis des grandes barbes, ils étaient sous. Alors, ils commencent à expliquer pourquoi ils s'étaient déguisés en djihadistes. La police était à côté pour surveiller. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est absolument rien passé. Est-ce qu'on peut aller si loin dans l'humour? Enfin, ici, c'était très, très populaire, en fait. Bah, et ça a fait rire tout le monde. Voilà, et surtout, sans doute qu'ils avaient un accent belge et que. Flamand, pour le coup. Flamand, oui, flamand. Bah, voilà. Donc, vous les avez pas en. On les a pas en son, parce que c'est en flamand. Même si on peut parler des Gilles, c'est quand même difficile. Et est-ce que ça vous est passé par la tête de faire un personnage qui, de près ou de loin, serait relié à tout ce qu'on entend aujourd'hui, une femme de djihadiste, une femme en burqa, quelque chose comme ça, sans même parler du thème de fond, mais plutôt pour faire un vrai pastiche exutoire? Non, pas ça. Je suis désolée, hein, parce que le nom n'ouvre pas la conversation. Non, mais c'est pas et très la grave. Ferme, plutôt. Mais pas du tout. J'ai l'impression que tellement de gens font ça comme humour que je laisse la place à ceux qui en parlent. Je crois qu'on parle bien des choses qu'on connaît. Et je ne suis pas assez calée pour ça. Donc je préfère faire des personnages de la vie de tous les jours ou des choses que je vois. Je grossis à la loupe des traits. Et puis voilà. Mais peut-être qu'un jour, une burqa, peut-être. Mais comment l'amener pour que ça fasse rire sans que ça fasse trop mal ou en tout cas qu'on soit là pour passer un bon moment. C'est En disant bite. Mais je ne dis pas. Vous n'êtes pas encore venu voir mon spectacle. Non, je ne suis pas encore venu. Mais j'ai écouté Alex Vizor. Je parlais des SOS Amitié qui en fait croulent sous les appels. Ils ne parviennent pas à répondre à 3 appel sur 4. Il y a une dame qui explique nous devons cocher chaque fois une case quand les gens téléphonent et nous cochons de plus en plus la case 55 angoisse. Donc les gens téléphonent parce qu'ils sont angoissés par le monde qui les entoure. Bonjour, c'est pourquoi? C'est pour un suicide. Je ne peux pas vous aider, je ne suis pas qualifié, monsieur. On n'est pas loin de ça. Et vous disiez tout à l'heure que vous étiez contente de faire ce métier qui justement essayait d'enlever l'angoisse aux gens. Est-ce que vous sentez que dans vos salles aujourd'hui, il y en a peut-être un petit peu plus qu'il y a 2-3 ans au précédent spectacle? Je ne parle pas, je ne sais pas, ils vont voir des spectacles. Je crois que ça fait du bien de se divertir et de se changer les idées. C'est ce que je fais, je suis spectatrice, moi aussi, je vais voir des films, je vais voir des spectacles, et c'est ce que j'attends. Je choisis les choses que j'ai envie de voir. On parlait de musique tout à l'heure, j'ai adoré Whiplash, par exemple. Je n'ai pas du tout la batterie, mais ça m'a fait plaisir, ça m'a donné juste c'est un bien, truc hein. de aller voir ce film. Oui, Whiplash. Je veux dire, j'ai envie de faire des trucs, il faut oser, et voilà. Mais sinon, Virginie, en fait, oui. c'est Bergson, il a une définition de l'humour. Il dit c'est cette petite distance qui transforme, ce recul qu'on prend par rapport à un événement qui transforme le tragique en comique, finalement. Eh bien alors, oui. Oui, c'est ça. C'est que si je peux toucher des sujets qui sont un petit peu difficiles, j'ai envie que les gens aient cette distance pour qu'on s'amuse. Et si ça porte à réfléchir après, sur le moment, je n'ai pas envie que les gens se disent « Ah, oh, mal à l'aise, ça ne va pas. Je me sens pas bien. » Non, j'ai envie de... Si ce Bergson nous écoute, qu'il aille à Lost au carnaval, il va beaucoup s'amuser. On l'embrasse. On l'embrasse très fort. Clara Dupont-Monod, d'un prix Nobel qui est Henri Bergson, à vous, et l'analyse littéraire de l'actualité ou les ponts qu'on peut les passerelles. Lancer. Les passerelles. Les passerelles. Prenez un verbe féminin. Oui, un nom féminin, pardon, un verbe féminin, n'importe quoi. Un nom féminin. Et oui, Alex, parce que l'actualité, c'est aussi donc la fusillade de Copenhague samedi. On parlait de sujets anxiogènes et la mort du suspect islamiste. Et justement, concernant cet islamiste, comme souvent quand on parle des islamistes, eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, Virginie Hoc, mais il y a un mot qui revient tout le temps, qui est répété par les médias, par les politiques, qu'on entend partout. Et ce mot, c'est moyenâgeux. Alors, les islamistes ont des pratiques moyenâgeuses. Avec eux, on a pas dépasser le Moyen-Âge, etc., etc. C'est aussi ce qu'on entendait d'ailleurs au moment des attentats parisiens de janvier. Là, mon cœur se lève, car j'en ai un, oui, Alex, de cœur. Mon cœur se lève et réclame juste, il est exigeant, et réclame justice. Alors, justice, certainement pas pour ces fous furieux, mais pour le Moyen-Âge, et car oui. Il vaut mille fois mieux que ces dingues sanguinaires, et c'est exaspérant de savoir le Moyen-Âge associé à eux. Et heureusement, un livre tombe à pic qui s'appelle « Bienvenue au Moyen-Âge », ce sont les chroniques du grand médiéviste Michel Zinc qu'il a tenu quotidiennement sur les ondes de France Inter à l'été dernier. Il écrit dans le premier chapitre, je cite « Il n'a pas bonne presse, ce pauvre Moyen-Âge. Qualifier un régime politique ou un système judiciaire de moyenâgeux est rarement un compliment. Eh ben, tu m'étonnes. » Alors, il le défend. Et il prend par exemple le nom « Moyen-Âge ». Moyen. Mais quel nom atroce, n'est-ce pas Alex ? C'est terrible, hein ? C'est l'adjectif qui revient souvent par rapport à... Voilà, c'est pour ça que je vous interpellais là-dessus. Moyen, c'est un mot atroce. On l'a employé à la fin du XVIe siècle pour désigner en fait... toutes les années qui allaient de l'Antiquité à la Renaissance. Ça fait quand même juste près de 10 siècles. Hop, on leur a donné le nom fade et fourre-tout de moyen. Moyen au sens d'intermédiaire entre deux périodes glorieuses, l'Antiquité et la Renaissance. Et entre les deux, il y avait tous ces siècles qui étaient finalement bons comme l'âge de pierre. Les Anglais, eux, ils ont fait encore plus fort puisque pendant très longtemps, pour dire Moyen-Âge en anglais, on disait « Dark Ages », ce qui signifie « âge sombre ». Est-ce que vous imaginez le contresens alors qu'il n'y a pas plus lumineux que le Moyen-Âge ? Et Michel Zinc le rappelle, c'est l'âge d'or de la lumière. Au Moyen-Âge, on laisse entrer la lumière dans les églises, c'est l'invention des vitraux. Au niveau des vêtements, des couleurs des vêtements, le Moyen-Âge déteste le sombre. Les vêtements ne sont jamais gris, beige ni noir. On se méfie même du bleu, c'est beaucoup plus tard sous Saint-Louis qu'il va avoir la cote. Le Moyen-Âge, lui, il veut du blanc, il veut du vert, du jaune, du doré, et surtout ce qu'il adore, c'est le rouge. À l'époque, on obtient le rouge grâce à une plante qui s'appelle la garance, ou bien, et c'est moins glamour, on écrabouille un insecte qui s'appelle la cochenille, qui est un parasite à mi-chemin entre la chenille et la créature de film d'horreur, parce que c'est vraiment atroce. Et je vous signale qu'aujourd'hui, cette cochenille permet d'obtenir le colorant E120, qu'on trouve un peu partout dans nos aliments, dont le Coca-Cola. Bon appétit. Mais oui, l'appétit, justement. Le Moyen-Âge, il dévore la vie. Or, quel est l'endroit où la vie palpite et éclate de rire ? Dans un local syndical, Guillaume Meurice ? Évidemment. Non. Dans une agence matrimoniale, Alex Vidrec ? Non. Plus. Sous les draps, André Manoukian ? Oui. Mais oui ! Sous les draps, Michel Zinc cite des chansons impudiques que l'on chantait dans les tavernes et sur les marchés. Par exemple, je cite, en ancien français, « Les mamelettes me poignent, je ferai nouvel ami. » Ce qui signifie « Mes petits seins me font mal, je vais prendre un nouvel ami. » Je cite Alex Vidorek, ce n'est pas moi qui joli, parle. Donc. Parfois, c'est un peu plus sadique. Je cite « Prenez votre mal en patience, mon mari, et sans bouger, vous meurez demain et mon ami cette nuit. » Voilà, position du sandwich hawaïen. Version Moyen-Âge. Parfois, c'est un petit peu plus romantique. Je cite « La nuit, quand l'amour pour lui me taraude, je mets sa cheville chemise à coucher avec moi, tout contre ma chair nue. Ce poème-là, il a été écrit au moment où un compagnon partait en croisade. Et c'est donc sa compagne qui l'a écrit. Et après, elle dit, pour soulager tous mes maux, bon bref, je vous laisse imaginer le suite. En tout cas, on vient de nous expliquer ensuite que le Moyen-Âge est obscurantiste. C'est absolument impossible. Je vous signale que dans ces chansons que je viens de vous citer, ce sont des femmes, les héroïnes. Donc je rappelle que le Moyen-Âge aimait les femmes, contrairement aux radicaux barbus. Il existait des femmes chevaleresses. La première encyclopédie au XIIe siècle a été écrite par une femme. Ce même XIIe siècle a vu naître des abbayes d'hommes dirigées par une femme. Et tout le monde trouvait ça normal. Il y en a eu notamment à l'abbaye de Fontevraud qui s'appelait Pétronille et qui avait 22 ans et qui régnait comme ça sur des hommes donc à l'abbaye. Tandis qu'au XIIIe siècle, parmi les plus gros contribuables parisiens, on trouve Dame Marie la Plâtrière, qui était donc femme et propriétaire d'une carrière de gypse. C'était un peu la Anne Louvergeon de l'époque. Mais quand même, ben oui, mais c'était quand même une femme qui était donc à la tête d'une fortune et d'une entreprise. Voilà de quoi renoncer à l'appellation moyenâgeuse pour donc désigner quelque chose d'arriéré mental. Je redonne les références pour les auditeurs et pour les directeurs de iTélé, les références de ce petit livre. Bienvenue au Moyen-Âge de Michel Zinc, aux éditions France Inter, Les Équateurs. Clara, vous connaissez, je pourrais prendre le livre tout à l'heure, s'il vous plaît. Vous connaissez ce poème moyenâgeux qui dit « La femme qui pète au lit éprouve trois jouissances. Elle réchauffe son lit, elle emmerde son mari et dans le silence de la nuit, elle entend son cul qui chante. » Oh, on dirait du Jean-Luc Lahaye. Oui. Vous citez bien le Moyen-Âge. Virginia, je vous sentais boire les paroles de Clara Dupont-Mono et sachez que si vous aimez le Moyen-Âge et Clara Dupont-Mono, il me semble que votre best-seller se déroule au Moyen-Âge ou c'est moi qui suis nul en histoire? Ah, mais le Moyen-Âge, ça a fait ce que nous sommes. Et petit message au ministère de l'Éducation nationale qui a déjà rendu l'enseignement d'histoire optionnel au terminal scientifique. Qui sait d'où il vient, sait qui il est. Donc il est grand temps de remettre de l'histoire dans l'enseignement et avec un petit peu d'enseignement d'ancien français, ça ferait rigoler tout le monde et c'est moins chiant que le latin. Voilà, c'est bien le syndicalisme. Ah là là là là. Ils se sont retrouvés. Virginie Hoc, attention, on a un sujet. Il est celui-là, je sens qu'il est pour vous. Samedi prochain, ce sont les Césars. Ah. Cérémonie qu'on aime regarder, déjà parce qu'elle ne sera pas présentée par Virginie Guillaume. Et ce dimanche, le JDD est allé à la rencontre de certains lauréats pour savoir où était leur objet. Tous prétendent en prendre soin, alors que je sais de sources sûres que certains ont essayé par tous les moyens de le revendre. Bonjour, service téléacheteur. Et bonjour. Formidable. Aujourd'hui, chers amis téléacheteurs, je vous propose un objet très, très, très utile pour la famille, pour les loisirs, pour son chez-soi, pour son quotidien. Bref, un objet qu'on peut utiliser. Il s'agit de ce très, très bel objet. Il est multifonction. C'est bien pratique lorsqu'on part en vacances, on peut le mettre partout. Regardez, il doit être très, très bien sur cette chaise ou dans un intérieur. Ou même au camping. Au camping aussi, on peut l'utiliser au camping. Il sait tout faire. Finalement, on s'aperçoit qu'avec cet objet, il sait tout faire. Oui, puis formidable. Hein. Le prix, 595 €. Voilà. Je profite de l'absence de Charline pour passer du Laurent Gérard et Virginie Lemoine, mais ça vous a tous fait beaucoup rire. Alors, j'ai évidemment recensé Guillaume Canet, c'est dans son bureau. Sandrine Kiberlin, c'est sur son piano dans sa salle à manger. Éric Elmosnino, c'est dans sa chambre. Virginie Hoc. Bon alors, mon appartement est si petit que ça ne sera pas du tout un piano, ni dans la chambre, si ce n'est pas dans la pièce. Vous n'êtes pas nommé cette année, mais si dans un an et une semaine, c'est la gagne. Oui. Qu'est-ce que vous ferez du César? D'abord, je serais tellement fière. Oui, mais qu'est-ce que vous en faites chez vous? Vous les donnez? Je ne sais pas. Je crois que j'aurais peut-être une espèce de... J'oserais pas le mettre là. J'aurais peur qu'on... Voilà, je ne sais pas. C'est trop... Voilà. Je ne sais pas. C'était pas clair, hein? Je voulais dire, étaler des trophées, je trouve ça un peu gênant. Voilà, je sais pas si c'est une œuvre d'art en soi aussi. Oui, aussi. Il y en a beaucoup qui disent que la couleur change aussi, que ça devient un petit peu terne. Que ça noircit, oui. Il y en a beaucoup qui disent j'ai hâte d'en avoir un autre parce que celui-là devient un petit peu. Il y en a beaucoup qui le mettent, non pas trop en exposition, mais en même temps, il est un peu visible. Et ils disent que quand ils le regardent, ça leur redonne un peu d'inspiration. Est-ce que ça pourrait vous faire ça? Peut-être. Je sais pas, j'en ai pas du tout encore la prétention d'en avoir un. Peut-être un jour, touchant du bois, je ne sais pas. Adèle Haenel l'a donné à ses parents, elle. Ah oui, moi j'ai reçu le nez rouge de je ne sais plus quel festival. Qu'on salue, qui sera ravi de savoir que vous avez oublié où vous l'avez reçu. Non, je ne l'ai pas, je ne sais pas où il est. En effet, c'est vrai. Alors, il y en a un qui est rigolo, Alex Baupin, qui a gagné pour la meilleure musique de film pour les chansons d'amour. Il dit, je le laisse pas chez moi parce que les gens qui passent font des selfies avec. Il y a quand même quelque chose avec ce César, pour finir, qui a été inventé beaucoup plus tard que l'Oscar, mais qui, pour un comédien français, reste le Graal. Ouais. Bah ça l'est en plus, c'est la vraie grande reconnaissance quand même du monde du cinéma. Mais je me demande, quand on reçoit un prix comme ça, il y a un moment où on doit être super content. Il y a le moment d'avoir réussi quelque chose, d'avoir accompli quelque chose, et juste après, se dire quand même, rien n'est terminé, il faut encore faire autre chose. C'est vrai, non? Vous croyez pas? Là, je suis chiante. Hein. Oh, non, je m'en rends compte. Alex Popin dit quand même, je me suis toujours demandé pourquoi il fait cling-cling à l'intérieur. Donc nous avons appris qu'il c'est y a... C'est Kinder. Ben, c'est ça, il y a des Césars surprises. André Manoukian, quand vous allez recevoir la Victoire de la Musique pour ce bel album que vous préparez avec Yvette Horner, vous allez la mettre où? Il y a longtemps, j'ai eu une victoire pour la meilleure chanson. C'était c'est un outdoor que vous avez eu, André. Mais y a, c'est pas ça, c'est qu'à partir du moment... Vous voulez couper en deux À partir du moment où... Je crois que c'est elle qui est partie avec, ouais, c'est ça. Mais à partir du moment où on est en compète avec quatre autres artistes, tout d'un coup, c'est terrible. Parce qu'on est déjà... Le mal est fait, j'allais dire. Et là, si on l'a pas, ça peut être terrible. Ça doit faire mal, oui, ouais, c'est clair. Oui. Bon, alors on ne va même pas y penser. Guillaume Meurice, vous le mettrez où? Moi, j'aurais pas de prix, parce qu'un humoriste comme moi, ça n'a pas de prix. Oh là là. C'est beau, et je vous donne la parole. Est-ce qu'il y a la petite surprise qui est prévue? Oui, alors Virginie, on a l'habitude dans notre émission de faire une petite surprise à notre invité, à savoir un sketch. Je vais vous faire passer le texte. On vous impose un rôle. Hein, Je repensais encore à votre truc sur le Moyen-Âge, là. Je me dis, on a quand même beaucoup de chance. Enfin, j'ai beaucoup de chance en tant que fan de pouvoir faire de l'humour et m'exprimer. Je pense à ça. Vous vous rendez compte que voilà. Ça, il fallait voilà, dire ouais, tout ouais. à l'heure. Hein, mais parce que non, c'est bien. On remettra dans l'ordre. C'est comme les sons de ma chronique. Alors, Guillaume Meurice, alors, le jogging, c'est pour quand? Alors, on va parler tout à fait autre chose. C'est la Saint-Valentin. Oui. Virginie, François Hollande dîne avec Julie Gayet. Je jouerai François Hollande, vous jouerez donc. Julie Gayet. Voilà, c'est bien. Attention. C'est bien qu'on soit d'accord. Attention, c'est parti. Tu passes une bonne soirée? Oui, François. J'ai quelque chose à te demander. Oui, chouchou, vas-y. On est ensemble ou pas? Attends, comment ça? Mais c'est plus possible, je suis la première dame ou je ne suis pas la première dame? Au judo? Mais François, ton humour pourri, il commence sérieusement à gonfler, je te jure. Calme-toi, ma Julie, c'est pas le moment. Mais si tu me demandes pas en mariage immédiatement, je te jure, je le tweete. Non, ça va pas recommencer, ça va. Non. Alors qu'est-ce que t'attends pour dire que je suis ta femme? T'as quelqu'un d'autre, c'est ça? Bah, Oh, j'en étais sûre! C'est qui? C'est Angela Merkel, mais c'est ça? Non. Menteur! Je t'ai vu! Quoi? J'ai vu que t'avais pris du cul! C'est elle qui te fait bouffer de la choucroute, c'est mais ça? Non, ne mens pas! Non, chouchou, mais non! Des frites? Mais oui, c'est parce que je mange des frites! Tu me trompes avec une belge? Bah. J'en étais sûre, c'est qui? Non, ne me le dis pas, je le sais! Annie Cordy? Non, quand même pas, non! C'est qui? Virginie Efira! C'est presque ça, c'est. C'est qui? Virginie Hoc. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est pas un truc, enfin c'est son nom, Virginie Hoc, c'est une comédienne. Une comédienne? Mais qu'est-ce qu'elle a de plus de moi, François? Elle sourit. Et moi je ne souris pas, François. Ah Julie, la dernière fois que tu as souri, c'est quand tu t'es coincé le pied dans la portière du TGV. Tu dégoûtes, François. Avec une belge, avec un accent en plus, tu me dégoûtes. Mais c'est ça, c'est l'Europe, Julie. Tu te sers de ces arguments pour baiser tout le monde, François. Je vais te le dire. Même les Français se sont baisés, François. Tu t'appelles François? Oui. Oh, ça fait des mois qu'ils te serrent la ceinture et sache que tu n'es pas prêt de leur desserrer la mienne. Broquet terminé, girofle fini. Tu parles de ta ceinture de judo? Tu ne verras pas ma kikinette. Voilà. Aïe. Et bravo. Bravo. Et si vous voulez voir Virginie Hoc dans des sketchs qui ne sont pas écrits par Guillaume Meurice, mais qui sont très bien quand même, sur le fil du mardi au samedi. Débrouille-moi en texte, vous êtes brillante en Julie Gaillet. Merci à tous. Il y a eu de l'impro, tout n'était pas écrit, je t'ai précisé. Tout le girofle, demain on se retrouve avec Dominique Farrugia et on se quitte avec Glandu alias Thierry Le Luron, qui n'est pas prêt de voter Front National. Oh, le chien sans papa. Oh oui. On dit que je suis raciste, mon chien est noir, alors.